Ah, c'est une belle journée qui s'annonce. Tiens, quelqu'un frappe à la porte. Bonjour, j'ai été engagé par votre frère pour m'occuper de votre cas, si vous me permettez de le dire ainsi. Vraiment? Comme c'est gentil. Vous voulez un café? Ben, c'est-à-dire que... Je comprends pas trop ce que ça signifie. Vous occupez de mon cas? Je dois m'occuper de vous. Oh ben, ça c'est gentil alors. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est la première fois que quelqu'un essaie de dire avec moi. Enfin, si vous vous occupez des gens, cela veut dire que c'est eux qui sont pas très reconnaissants. On m'avait jamais fait voir cela sous cet angle. Oh, c'est quoi ce bordel? Tu dois t'occuper de lui, non? Espèce de mercenaire à la noix! Oh, toi, tais-toi! Sinon, je m'occupe aussi de ton cas! Le cas de mon frère? Oh, mais vous êtes vraiment gentil, vous, alors, hein? Une part de gâteau? Oui, merci! Non, mais je rêve! Alors, comme ça, vous êtes mercenaire? Ça me rappelle Angel Hort de Tsukasa Ojo. Je connais pas. Oh, bah, je vais vous montrer, alors. Tout ce que je vois, c'est Angel Hort, une tueuse professionnelle. Ouais, c'est le seul moment de bien, les 10 premières minutes. Ne l'écoute pas, elle ne veut plus tuer, alors elle va se suicider. Et l'organisation qui l'emploie va lui greffer un cœur pour la sauver. Normal, on perd pas un bon élément. Ça c'est vrai, sauf pour trahison. Elle va quand même rester un an dans le coma. Ah ouais, quand même. Everybody needs some fun, let's go. It's that they don't live on God. 探して Alors, si j'ai bien compris, c'est le cœur de Kaori, la copine de Ryo Saiba, qui lui a été transplanté. Oui, et ça permet à leurs âmes de communiquer. D'accord, mais pourquoi ce Ryo Saiba me dit quelque chose? Eh ben, c'est City Hunter, Nicky Larson en France. Quoi? Le City Hunter? J'ai compris, il est dangereux. Oui, mais il est gentil comme vous. I'm not sure what I'm doing. きたいんだろう。行く当てを探して、そしてまたさまよって、それでもここから歩こう、足跡は残るさ、涙乾くまで歩こう、きっと何かが変わる。愛なんて言ってるけど、君を愛せてるかな、孤独だって感じたら逃げてしまいそうさ。強くなりたくて、優しさに戸惑って、それでもここから歩こう、足跡は残るさ、決める人を信じたい、僕であることを信じたいから、それでもここから歩こう、足跡は残るさ、涙乾くまで歩こう、きっと何かが変わる。 心が崩れ出す前に。止まっていた。 覚めてくれ Daydream Sad Dream 心が崩れ出す前に。 世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかり、俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。 生きることは虚しくて、人は夢と現実の境界線をさまよう Dreamer。 石の瓦礫投げつけてショーウィンドウを壊しても、何も起きない。消えた夏の記憶をフラッシュバック、羽の跡をタトゥーで消し、踊るように抱かれた人、幻でも会いたい。 Bad dream good dream、 悲しいほどの眩しさは Daydream Sad dream、 二人見上げた空の色 Black dream Good dream、 夢なら今すぐ覚めてくれ Daydream Sad dream、 心が崩れ出す前に。Yes I'm a daydream dreamerLonely daydream dreamer. Yes, I'm a daydream dreamer. La fille adoptive de Citienter. C'est pas mignon? Touchant, ouais. N'importe quoi. T'y connais rien. En tout cas, le reste de la série va être sur l'évolution de Angel Hort, renommée Xiang-In par Rio, et son évolution en tant que nouvelle Citienter. Le truc qui sert à rien, elle peut plus tuer. Ouais, alors là que moi. D'accord, je me tais. J'ai adoré cette anime, monsieur Neo, et je veux cet exemple dès à présent. Ah, c'est super, mais j'ai oublié de vous demander votre nom. Je m'appelle Judith. Non, c'est un joli prénom. Si vous avez besoin de moi, monsieur Neo, n'hésitez pas. Par contre, monsieur Taku, si vous pouviez m'oublier, ça m'arrangerait. Merci, Judith. Encore un plan de foiré. Pardon ? Rien. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube en tapant Ryudokas Channel ou sur notre site officiel ryudokaschannel.net. Bonne année ! Matanée !